serait trop beau de retrouver rien qu'une fois. Là, je vois des enfants retrouver le temps que l'on a laissé derrière soi. Rien qu'une fois, imagine-toi que l'on oublie tout. Le mauvais, le pire, le temps d'un sourire dans ce monde fou. If you love someone, don't think twice. You are